Vas-y. J'ai des blessures dans mon cœur, dans mon âme, pour les soigner, c'est pas la peine. Quand je me renferme, je crie pour la paix, c'est pas l'envers du décor que je voulais. Je vois des amis changer peu à peu, rendez-moi le sommeil, juste en fait. 10h du mat, le ciel est gris, je dois ramener le soleil. Maman s'inquiète quand je rentre tard, j'ai perdu le sommeil. J'ai ramené le roro et le diamant à la maison. Aujourd'hui, je remercie le ciel parce que j'ai peut-être la vie que je voulais. Je récupère, j'investis, bras sur les épaules, pas lâche pour m'y perdre, mais j'ai pas de choix. J'amène le soleil à la tête, sur sa main la neige. Je récupère, j'investis, bras sur les épaules, pas lâche pour m'y perdre. Les mondes de rive et sur moi, beaucoup d'enjeux quand je peux pas jouer. Tard la nuit, je réfléchis ce que j'ai sur ma vie. J'avais raison, autant d'avoir accepté tout ce qui m'arrive. C'est pas la peine. Quand je me renferme, je suis pour la paix. C'est pas l'envers du décor que je voulais. Je vois des amis changer peu à peu. Rendez-moi le sommeil, juste en paix. J'ai des blessures dans mon cœur, dans mon âme. Pour les soigner, c'est pas la peine. Quand je me renferme, je suis pour la paix. C'est pas l'envers du décor que je voulais. Je vois des amis changer peu à peu. Rendez-moi le sommeil, juste en paix. Ça coma sur les réseaux, derrière moi un tas de couteaux. Je préfère que tu me plantes dans le cœur, j'ai plus de place sur mon dos. Je voulais mettre la tête sous l'eau, euro investi sur bateau. Trop de fois je deviens paro, mais je viens quand même changer le scénario. Je les entends, moi tu es sur moi. Je parle pas, je trie l'entourage, je fais mes bails et je calcule pas tous ces noms. Mon sourire en diagonal sur moi. Il y a quelques mois, je lisais des bouquins, maintenant je parle d'affaires.